Pour donner son âge, on utilise aussi « tener » et on emploie le mot « años » pour « an ». J'ai 40 ans, se dira « tengo 40 años ». Donc, comment traduiriez-vous « mon chien a 2 ans » ? Mi perro tiene 2 años. Mi perro tiene 2 años. Et si son fils se dit « su hijo », H-I-J-O, comment direz-vous « sa fille » ? Eh oui, c'est ça, « su hija ». Dites maintenant « ma fille a 10 ans ». Mi hija tiene 10 años. Mi hija tiene 10 años. « Su » signifie « son » ou « sa » et « mi » signifie « mon » ou « ma ». Pour dire « quel âge a », on dit littéralement en espagnol « combien d'années a ». On utilise alors « ¿cuántos años tiene ?» « ¿Cuántos » s'écrit « c-u » accent aigu « n-t-o-s ». Comment diriez-vous alors « quel âge a votre fils ?»« ¿Cuántos años tiene su hijo ?»« ¿Cuántos años tiene su hijo ?» Notez que lorsque vous utilisez dans une question en espagnol des mots tels que « comment ?» Combien, pourquoi? Ceci porte toujours un accent écrit. Remarquez également que cuántos s'accorde avec le mot qui le suit. On peut alors avoir cuánta, cuánto, etc. Donc, dites-moi, ma fille a 10 ans. Quel âge a votre fils? Mi hija tiene 10 años. ¿Cuántos años tiene su hijo? Mi hija tiene 10 años. ¿Cuántos años tiene su hijo? Avoir lieu se dit tener lugar. Lugar s'écrit L-U-G-A-R. Donc, dites-moi, la réunion a lieu ici même. La réunion tiene lugar aquí mismo. La réunion tiene lugar aquí mismo. La semaine prochaine se dit la semana que viene. Littéralement, la semaine qui vient. Semana s'écrit S-E-M-A-N-A. Donc, comment diriez-vous? La réunion aura lieu la semaine prochaine. Dites d'abord, la réunion aura lieu. La réunion tendra lugar. Insistez bien sur la terminaison du futur. La réunion tendra lugar. Traduisez maintenant la semaine prochaine. Vous devrez dire littéralement la semaine qui vient. La semana que viene. La semana que viene. Donc, dit d'une traite, la réunion aura lieu la semaine prochaine. La réunion tendra lugar la semana que viene. La réunion tendra lugar la semana que viene. Comment diriez-vous maintenant à une personne que vous vous voyez, vous avez de la patience? Tiene paciencia. Tiene paciencia. Devant des mots que l'on ne peut pas compter, comme « patience », on n'utilise rien en espagnol pour les déterminer. Donc, « de là » ne se traduit pas. « Paciencia » est aussi l'un de ces mots se terminant par « ence », « e-n-c-e » en français, qui devient « enfia », « e-n-c-i-a » en espagnol. Et si vous n'avez pas beaucoup de patience envers quelqu'un, cette même personne vous dira peut-être « tenga paciencia, ayez un peu de patience. Littéralement, ayez de la patience. Si quelque chose n'a pas de sens pour vous, on peut dire en espagnol, esto no tiene sentido. Et si quelque chose ne va pas s'améliorer et n'a donc pas de solution, on dit, no tiene remedio. Le premier sens de remedio, R-E-M-E-D-I-O, est remède. Donc, en utilisant « no tiene sentido » et « no tiene remedio », comment direz-vous « cette situation n'a pas de sens et n'a pas de solution » ? Esta situación no tiene sentido y no tiene remedio. Esta situación no tiene sentido y no tiene remedio. Toutes ces expressions que nous venons de voir vous seront très pratiques pour vous exprimer dans la vie de tous les jours. Donc, avec conviction, con convicción, Et en utilisant « tener ganas de », pouvez-vous me dire « j'ai envie d'utiliser ces expressions ». Tengo ganas de utilizar estas expresiones. Tengo ganas de utilizar estas expresiones. Y también tiene muchas ganas de conocer otras expresiones, ¿no es verdad? Y vous avez aussi envie de connaître d'autres expressions, ¿n'est-ce pas?